Hélène Bracco, que beaucoup de gens connaissent ici, c'est Lévis, une grand-mère heureuse. Voilà. Et donc, alors ce livre qui est sorti il y a un peu plus d'un an quand même, et mon livre, bon, je l'ai fait lire à des gens, quelques personnes qui revenaient d'Algérie, etc., enseignants, qui l'ont beaucoup aimé. Le parcours d'Hélène, eh bien, c'est un parcours de pied noir, entre guillemets, on pourrait dire, né au Maroc, puis en Algérie, en France, etc., enseignant, mouvement Freinet, anarchisme, etc. C'est presque une logique que je comprends bien, puisque c'est la mienne aussi, donc voilà, et elle s'est interrogée, hein? Récupérateur. Je récupère, c'est machin. Non, mais disons que... Bonjour. Moi-même suis marié à une femme qui est née à Meknès comme elle, à peu près, un peu plus tard. Donc, elle s'interroge sur les problèmes de la Méditerranée en général. Chaque côté, à travers une histoire qui a été une histoire coloniale, puis une histoire aussi... de décolonisation, aujourd'hui avec tous les problèmes que nous connaissons sur l'immigration, sur, disons, le Sud et le Nord, d'une Europe qui a du mal à intégrer des gens qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, les problèmes que ça a pu poser et que ça pose encore, à travers des civilisations. À travers des cultures différentes, il y a les religions, il y a un tas de choses, c'est un melting pot, on pourrait dire, parfois détonnant. Et ici à Marseille, on est bien placé pour le savoir. Et le livre d'Hélène, justement, a posé une problématique, je dirais, très fine quant à l'approche du problème, qui n'est pas tout à fait une démarche historienne classique. Hein. On sera d'accord, et qui elle a interrogé des gens, elle a interrogé des personnes, et elle fait un choix qu'on peut lui reprocher ou pas, mais ce choix a été fait, et elle donne une idée de son approche sur les problèmes de culture de chaque côté de la Méditerranée à travers un parcours qui lui est quand même très personnel, mais aussi d'enseignant. Je voudrais le souligner parce que c'est aussi une approche par les enfants qui peut être faire comprendre beaucoup de choses sur l'intégration jeune. À toi. Je vais répliquer si tu permets. Henri, je te remercie. Déjà que je ne vois pas, ça fait rien. Voilà. Je te remercie Henri, mais si tu permets, je vais rectifier un tout petit peu ce que tu viens de dire. Ce n'est pas une sorte de travail d'histoire que j'ai fait. C'est un travail d'histoire. Je suis historienne. Ce livre est issu d'un diplôme universitaire que j'ai passé en 93. C'est un diplôme du monde arabe option histoire. Et ce travail, je l'ai fait éminemment dans l'optique historique. C'est-à-dire que j'ai interrogé des gens qui ont fait le choix de rester en Algérie indépendante, mais je l'ai fait en écoutant toutes les mémoires et en retraçant ici le parcours de chaque mémoire, quelle que soit l'idéologie que les gens m'ont apportée, même si je n'étais pas d'accord avec, enfin si je n'étais pas d'accord, je n'ai pas à être d'accord ou pas d'accord, même si elle ne correspondait pas à ma propre vision des choses, mais je le retranscris comme une historienne, avec des sources très précises et très rigoureuses. Voilà, je me permets de le dire. Ce que j'ai dit, ce n'est pas un travail classique, global, d'histoire comme on trouve, des dizaines sur actuellement. C'est ça que tu voulais dire. Hein. À savoir que c'est une approche beaucoup plus sensible, personnelle, mais une approche historique, indéniablement. Oui. C'est une approche que tu qualifies de sensible parce que c'est une approche qui a été faite sur la base d'interviews. Et là, je vais m'expliquer à ce sujet. Quand j'ai posé ce travail, que j'ai présenté ce travail à l'université, j'ai donc dû expliquer ma démarche. Et il s'est avéré très vite que je n'aurais pas... que je ne pouvais pas avoir accès à des archives écrites, ou très peu. Parce que les Européens qui sont restés en Algérie, pour le moment, sont frappés d'interdit. Les chercheurs ne peuvent pas accéder à des archives écrites les concernant. J'avais écrit au ministère des Affaires étrangères, qui m'avait répondu que je touchais là au domaine de l'immatriculation des personnes civiles nées et restées en Algérie, et que ce travail était donc frappé, que ces archives étaient frappées de centenaires. Donc d'ici 100 ans, je ne pouvais pas accéder aux archives. Ce qui fait que j'ai dû, forcément, aller interroger les mémoires. Et sûrement, j'aimerais bien vous parler de ça, bien qu'ensuite nous puissions parler, si vous voulez, si vous souhaitez, de ces Européens qui sont restés dans l'Algérie indépendante, pourquoi ils y sont restés, quelles ont été les raisons de leur choix, et pourquoi moi je suis allée chercher cette autre face de l'histoire, puisque étant moi-même issue donc de deux pays qui ont accédé à leur indépendance, c'est-à-dire le Maroc où je suis née et l'autre partie de ma famille était en Algérie. Donc j'ai vécu ces deux exils et pour ma famille, c'était impensable de rester dans un pays arabe qui prenait son destin en main. Donc moi je fais partie de cette histoire-là, de ces gens qui sont partis. Et c'est de cette histoire dont on nous parle dans les médias, c'est cette histoire-là qui est retranscrite, ce n'est pas celle de ceux qui sont restés. C'est pour ça que, quand j'ai appris que des gens étaient restés, j'ai voulu aller y voir. Et j'y suis allée sur place. J'ai rencontré des gens ici, qui étaient restés en Algérie, mais qui étaient venus depuis peu de temps. Et puis, j'ai voulu aller en Algérie aussi, les interroger. J'y suis allée en 93 avec Michel, à une époque où c'était déjà... où le début de la guerre civile avait commencé, où c'était un petit peu difficile. Mais nos personnes n'ont jamais été en danger. Nous avons eu des conditions très, très intéressantes, exceptionnelles d'approche des gens. Tout le monde s'est mis à notre service. Tout le monde était... il y avait le couvre-feu, c'était un climat d'insécurité, mais c'était valable pour tout le monde, et y compris pour les Algériens qui vivaient, autant que pour les Européens. Donc, cette histoire, elle s'appuie donc sur des témoignages oraux. J'aimerais vous parler de ça parce que quand j'ai vu que je ne pouvais pas avoir accès aux archives écrites et que j'en ai parlé à mon directeur de recherche, il n'a pas voulu que je commence mon travail avant que je n'aie travaillé sur la mémoire orale. Parce que j'ai fait bien entendu parallèlement un travail d'histoire rigoureux, j'ai étudié la guerre d'Algérie, quand je suis partie interviewer des gens, j'avais fait de mon mieux pour savoir de quoi les gens allaient me parler. Mais j'allais interroger des mémoires plus de 30 ans après l'indépendance. Or, la mémoire, c'est pas quelque chose, quand on est historien, ce n'est pas une chose que l'on peut prendre pour argent comptant. Parce que, quelle que soit la bonne volonté des gens qui parlent, la mémoire est une reconstruction du passé. La mémoire, elle offre une représentation mentale. Et cette représentation mentale, de la part de ceux qui la mettent en jeu, elle est destinée à pouvoir expliquer et vivre le présent que les gens vivent. Donc, je savais que je touchais là à un domaine mystérieux, un domaine un peu troublant même, où les gens allaient se raconter une histoire qui était la leur, personnelle, et qu'ils allaient réinsérer dans l'histoire avec un grand H, mais en la ponctuant de leur parcours personnel. Et là, ça a été pour moi un travail très, très intéressant que d'arriver devant ces gens, à leur demander de me raconter ce qu'ils avaient vécu 30 ans et plus auparavant, en respectant leur mémoire, en respectant leurs paroles et en essayant de décrypter dans ce qu'ils disaient et dans ce qu'ils ne disaient pas ce qui pouvait croiser l'histoire, c'est-à-dire le travail des historiens, des chercheurs et des scientifiques que j'avais étudié par ailleurs. Cette mémoire, j'aimerais vous en parler parce qu'elle touche à mes interviewés. J'ai interrogé une quarantaine de personnes. J'ai interrogé des gens qui avaient des parcours complètement différents. J'ai essayé de chercher toutes les catégories socio-professionnelles et idéologiques que j'ai pu, afin de donner une vision assez large du travail. Et j'ai rencontré des gens qui ont accepté de me donner de leur temps et de parler d'eux. Et c'est un travail d'une extrême rigueur et d'une extrême difficulté pour celui qui écoute et pour celui qui se raconte. Et pour celui qui se raconte, surtout quand il n'écrit pas et qu'il parle dans un magnétophone, c'est un travail très troublant parce que la mémoire, elle fait jaillir à des moments donnés, au détour d'une phrase, des choses enfouies qu'on pensait des fois ne pas pouvoir mettre à jour et qui ressortent et qui sont très troublantes pour celui qui les découvre, qui fait que même quelquefois, ça a été douloureux, que personne n'en est sorti intact, moi non plus. Et c'est une mémoire que j'ai accepté d'écouter, complètement respectée, et que j'ai retranscrite dans mon livre de la façon, j'espère, la plus positive possible. Je vais vous donner quelques exemples parce que, notamment, j'ai touché à la mémoire de la clandestinité. Parce que j'ai cherché à mettre à jour dans ce travail cette autre face. Et dans cette autre phase de l'histoire dont on ne parle pas, j'ai trouvé des gens qui avaient pris le parti, des Européens je veux dire, qui avaient pris le parti de l'indépendance algérienne, qui avaient œuvré pour l'indépendance algérienne. J'en ai trouvé d'autres, pas du tout, qui sont restés en Algérie pour d'autres raisons, totalement indépendantes d'un engagement politique. Quelquefois même, des gens qui sont restés en Algérie et qui sont restés avec une idéologie très coloniale et raciste, mais qui sont restés là-bas parce que pour des raisons financières, des raisons de travail, des raisons d'insertion dans un pays qu'ils aimaient, mais pas du tout pour des raisons d'engagement politique. Par contre, cette mémoire clandestine, elle a permis de mettre à jour une face cachée de cette histoire qui serait intéressante de dévoiler tant du côté de la France que du côté de l'Algérie. Parce que du côté de la France, on ne sait pas beaucoup, on commence à en parler maintenant parce que la mémoire des appelés d'Algérie s'ouvre depuis quelque temps. Depuis quelque temps, on parle beaucoup de la guerre d'Algérie, maintenant on peut dire la guerre d'Algérie, et on voit fleurir des mémoires d'anciens, d'appelés du contingent, qui se sont tus pendant si longtemps et qui commencent à pouvoir parler et qui ont porté de façon très douloureuse cette non-guerre qu'on peut maintenant appeler une guerre. Du côté de la France, on ne parle pas quand même beaucoup de ces gens qui se sont engagés en France pour l'aide au FLN et de ces gens qui se sont engagés en Algérie, dans les maquis, aux côtés du FLN et qui ont laissé leur vie. Qui ont été guillotinés, par exemple Yveton a été guillotiné, il est mort en disant « je suis algérien ». En France, on ne sait pas bien ça. En Algérie, on ne connaît pas cette histoire des Européens qui ont donné leur vie pour l'indépendance de l'Algérie. Ces jeunes générations d'Algériens ne découvrent pas ça dans leurs livres d'histoire. S'ils savaient que des Européens ont pris le parti de l'indépendance algérienne, on éviterait maintenant ce manichéisme qui fait que deux populations qui ont vécu imbriquées de façon aussi passionnelle soient à se regarder comme des rivaux. Du côté français, on sait ce que ça donne pour certaines personnes qui trouvent qu'il y a un peu trop d'immigrés algériens en France. En Algérie, cette non-mémoire nourrit en ce moment des factions extrémistes qui s'appuient là-dessus pour nourrir leur haine de l'Occident. Et je pense que, quoi qu'il en soit, ces deux générations de jeunes, aussi l'autre, la génération que nous vivons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas cette histoire. Moi, je l'ai remarqué, et j'en ai été étonnée, mais maintenant, je commence à plus trop m'en étonner. Et je crois qu'on aurait intérêt à ouvrir cette histoire de façon que ces deux populations ne se regardent plus comme des populations rivales, mais comme des gens qui ont vécu ensemble un parcours, qui a été un parcours pour certains de colonisés en relation avec les colonisateurs, et vice-versa, et que de toute façon, on n'a jamais intérêt à cacher l'histoire, parce que si on la cache, eh bien certains s'en emparent et travaillent l'imaginaire et travaillent la mémoire collective, et on sait les dégâts que ça peut donner. Alors, je vais vous donner quelques exemples de cette mémoire de la clandestinité. J'ai découvert en France des gens qui avaient fait partie de ces porteurs de valises qui ont aidé les réseaux FLN en France. Et j'ai notamment rencontré quelqu'un qui avait travaillé avec Daniel Campiano. Daniel Campiano était un prêtre, il est mort là, il y a 2 ans, à Noël, qui était le responsable de la section de la Wilaya FLN Sud, ici en France. J'ai appris comme ça qu'on disait aussi Wilaya ici en France, moi je ne savais pas ça. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je ne savais pas certaines choses, justement, qui concernaient pourtant ma propre histoire. Ce prêtre donc avait à Aix une imprimerie clandestine sur laquelle il imprimait les tracts en langue arabe qui lui arrivaient donc en langue arabe. Lui ne les comprenait pas, mais on les lui traduisait. Et il faisait travailler cette petite imprimerie clandestine et les tracts étaient distribués donc dans la région sud. Il y avait tout un réseau de wilaya, de zones, super zones, on m'a expliqué. Et ce prêtre, à un moment donné, il a été arrêté et il a dû fuir. Et il a été clandestin, il est allé de lieu en lieu. Et un petit clin d'œil de l'histoire, il est allé en Italie où il a été à un moment recueilli par quelqu'un qui est devenu ensuite le pape Paul VI. Donc il est revenu en France après l'indépendance et il a continué à être prêtre jusqu'à sa mort, là récemment à Aix. J'ai découvert aussi en Algérie des mémoires clandestines, forcément, qui ne peuvent, même si l'histoire était ouverte, qui ne veut pas encore être dans les livres, puisque ça fait partie de la mémoire clandestine. Alors j'ai notamment rencontré Baya Jurke, que peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent, qui est une Algérienne, qui avait la nationalité française par son père, qui a été responsable de l'Union des femmes algériennes en Algérie. Et elle a été la première femme à aller en Chine au moment de la révolution chinoise, à rencontrer Mao Tse-tung. Et elle m'a raconté comment des femmes algériennes et européennes, au moment de la guerre d'Algérie, se réunissaient la nuit sur les tombes, dans des cimetières, pour faire des sortes de meetings en faveur de l'indépendance algérienne. C'est dans ces réunions de femmes, elle raconte ça avec beaucoup d'humour, parce qu'elle dit que les hommes s'arrachaient les cheveux quand ils voyaient sortir leurs femmes, les Algériens s'arrachaient les cheveux quand ils voyaient sortir leurs femmes, les Françaises, elles sortaient aussi, Et elles ont fait partie de ces réseaux de femmes qui ont beaucoup travaillé pour l'indépendance de l'Algérie. Elles se réunissaient donc sur ces tombes. Et ensuite, parmi ces femmes, il y avait donc une d'elles, peut-être vous en avez entendu parler, qui s'appelle Danielle Mine, qui a été arrêtée et qui a passé du temps dans la prison de Barberousse à Alger. Et j'ai pu voir, quand j'étais à Alger avec Michel, un film d'une collection privée d'un cinéaste algérien qui avait filmé ces femmes européennes internées à Barberousse. Elles étaient condamnées à mort. Elles n'ont pas été exécutées ensuite, mais elles ont cru longtemps qu'elles le seraient, et qui racontent leur expérience de combattantes européennes en faveur de la guerre d'Algérie. J'ai rencontré dans mon panel de personnes qui ont combattu aux côtés de l'indépendance deux prêtres particulièrement importants pour moi, notamment Monseigneur Scotto, qui a pris la nationalité algérienne et qui a été, selon lui, curé pied noir, évêque algérien, qui a caché des nationalistes algériens. Son interview est intégralement retranscrite dans mon livre parce que c'est un vieux prêtre qui m'a beaucoup touchée, qui m'a dit que, quand je l'ai interrogé en avril, il m'a dit qu'il était né en Algérie et qu'il souhaitait mourir en Algérie. Et le sort a voulu qu'il meure à Aix-en-Provence quelques jours après, au cours d'un voyage, lui qui ne quittait pratiquement pas l'Algérie. Et j'ai rencontré aussi le cardinal Duval, qui est mort récemment aussi, qui a été un des premiers prêtres à s'élever contre la torture qui était pratiquée donc par les officiers français, par les soldats français en Algérie, et que les pieds noirs avaient surnommé Mohamed, et à qui il disait « Mohamed, retourne chez toi », parce qu'il n'était pas pied noir, mais il était venu en Algérie en 1947, et il avait donc osé s'élever contre la torture et le dire en chair. Et le cardinal Duval nous a raconté une très belle histoire. Il nous a raconté comment, à un moment où, à Bab El Oued, le quartier de Bab El Oued avait été encerclé par l'OAS, et avait été bouclé et le ravitaillement n'arrivait plus. Et lui, il avait dans sa paroisse un prêtre très astucieux qui avait choisi de faire passer le ravitaillement par le corbillard, dans le corbillard. Alors, ce sont des moments de la vie clandestine qui sont très émouvantes à écouter quand on est là pour recueillir ces témoignages, ces mémoires. J'ai appris à écouter le vocabulaire, tout ce qui se dit quand les gens parlent spontanément et pendant longtemps, quand au bout d'un moment la parole finit par jaillir, que la confiance s'est installée. J'ai appris à décrypter ce vocabulaire, j'ai appris à décrypter les erreurs qu'il ne faut pas juger quand on est soi-même un enquêteur, mais qui sont révélatrices du fait que les gens cherchent à rappeler à leur mémoire des moments qui ont été des moments clés pour eux. Et j'ai appris à écouter aussi les non-dits, et notamment ce qu'on appelle, quand on enquête sur la mémoire orale, c'est la mémoire de l'oubli. Alors, ce sont des choses qui ont été effacées de la mémoire et qui peut-être risquent de ne plus jamais affleurer à la mémoire. On appelle ça une mémoire encodée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque chose s'est passé qui a été fort, très fort, quelquefois douloureux, et qu'on a enfoui complètement et qui est resté sans revenir pendant très longtemps. Et si cette mémoire encodée ne trouve pas à un moment donné un déclencheur suffisant, elle risque de disparaître à tout jamais. Ce déclencheur peut arriver de façon inopinée quand on parle, et quand on parle notamment depuis longtemps. Et à ce moment-là, la mémoire peut revenir. J'ai interrogé un juif d'Algérie qui se disait pas européen, qui se disait algérien. Il m'a dit, nous les juifs d'Algérie, nous ne sommes pas des Européens, nous le savons. Nous sommes là depuis très longtemps, depuis même avant l'indépendance algérienne. Et ces juifs d'Algérie ont une histoire particulière, puisqu'ils ont eu, par le décret Crémieux de 1870, ils ont accédé à la nationalité française, alors que les Algériens ne l'avaient pas, alors que les Algériens n'étaient pas des citoyens français, mais des sujets français. Donc ils n'avaient pas les mêmes droits que les Français. Par contre, les Juifs, et ça c'est un des tours de la colonisation, pour monter deux populations l'une contre l'autre, les Juifs ont eu accès à la nationalité française par le décret Crémieux. Au moment de Vichy, ils ont perdu la nationalité française, le décret Crémieux a été abrogé, et à ce moment-là, il y a eu des exactions, puisqu'ils n'étaient plus français tout à coup. Ils étaient devenus des Juifs d'Algérie et ils n'étaient plus des Français d'Algérie. Et ça a beaucoup perturbé, bien entendu, ça les a beaucoup perturbés. Et j'ai donc interrogé un des fils de ceux qui avaient perdu sa nationalité française en 1940. Et je lui ai demandé comment ça s'était passé pour eux à la maison quand ils ont perdu la nationalité française. Et il m'a dit... Imaginez-vous qu'on ne m'en a jamais parlé chez moi de ça. C'est ce qu'on appelle la mémoire de la honte. Parce que ces gens se sont retrouvés tout à coup non français et il y a eu des exactions, bien entendu. Ils ont été chassés des écoles, enfin, il y a eu toutes sortes d'exactions concernant les juifs à ce moment-là. Et il m'a dit avoir appris cette histoire, lui, en tant que professeur d'histoire, en ayant fait des études d'historien, et il a appris ça dans les livres. Alors il est rentré chez lui et il a dit à son père, « Mais dis donc, il y avait un moment où vous n'étiez plus français. » Alors son père lui a dit, « Mais écoute, si tu veux me parler de l'abrogation du décret Crémieux, oui, effectivement, il y a eu un moment où on n'était plus français. » Mais alors, pourquoi tu m'en as jamais parlé? Et son père n'a pas pu lui parler de ça, n'a pas pu lui répondre, parce que ça faisait partie de cette fameuse mémoire de la honte, ça fait partie de ce fameux trou de l'histoire qui fait que des choses n'arrivent pas encore à se dire. Et ce monsieur, donc, s'est interviewé, Jacques Choucroune, il est aussi intégralement dans mon livre, son interview retranscrite, a voulu ensuite interroger la mémoire de son père, et puis son père est mort. Et donc il n'a plus pu le faire. Et moi j'ai trouvé que c'était une interview qui était aussi terrible, très, très forte, très intéressante. Et en interrogeant toutes ces mémoires, eh bien il s'est passé ce qui devait arriver et que j'ignorais quand j'ai commencé ma recherche. C'est que j'ai fini par comprendre pourquoi j'étais allée chercher cette histoire et pourquoi j'étais allée interroger tous ces gens. Et ma propre mémoire à moi, elle est revenue sur scène de façon complètement très violente et de façon bouleversante parce que j'avais donc commencé à interroger des gens et j'interrogeais depuis pas mal de temps et j'avais déjà beaucoup travaillé sur la guerre d'Algérie quand une nuit, je me suis réveillée en pleurs dans un état de bouleversement extrême et je n'avais pas compris ce qui m'arrivait. Et il venait de me revenir tout simplement que moi, j'avais passé mes vacances en Algérie en 1960, en pleine guerre d'Algérie. Parce que mes parents, qui étaient donc venus en France après l'indépendance du Maroc, m'avaient envoyé, moi qui étais jeune fille à l'époque, m'avaient envoyé en pleine guerre d'Algérie, je ne sais pas pourquoi mes parents ont eu cette bonne idée, à passer mes vacances en Algérie à Oran chez leurs amis. J'ai donc été mise sur un bateau qui s'appelait le Sidi Bel Abbès, qui est parti avec des légionnaires, j'étais sur le pont avec des légionnaires, et j'ai donc passé toutes mes vacances d'été en 1960 en Algérie, et je l'avais oublié. cette histoire et c'était encodé, comme on dit dans le langage donc des chercheurs quand on travaille sur la mémoire orale, et elle s'était décodée une nuit à la lumière de toutes les mémoires que j'avais croisées. Et ça a été complètement brutal et très troublant, bien entendu, pour moi. Et quand j'ai compris, quand je me suis souvenue de ça, j'ai compris ce que j'allais chercher en interrogeant tous ces pieds noirs qui n'avaient pas quitté l'Algérie et qui avaient pour certains, pris la nationalité algérienne. Et j'ai compris que ce que je cherchais, c'était que si ces gens-là avaient pu y rester, moi aussi, peut-être un jour, j'aurais pu rester. Parce que à ce moment-là, j'ai pas pu interroger mes parents, parce que mes parents ont été très fâchés par ce travail que j'avais entrepris, parce que mes parents ne se situent pas du côté de ceux qui avaient pris le parti de l'indépendance algérienne, plutôt le contraire. Hein. Ils étaient plutôt... Sur l'ouverture que j'ai essayé de donner à mes interviewés, à mon travail, j'ai essayé ensuite, quand je m'en suis rendu compte, de ne pas mettre en avant ma propre histoire. Voilà. Donc, je voulais vous parler de ces mémoires parce que tous mes interviewés, avec qui je suis restée en correspondance depuis 1993, je les ai réinterrogés régulièrement de façon à ce que leur histoire soit réactualisée jusqu'à ce que je puisse faire éditer mon livre. Ce travail a été édité l'année dernière et il a été édité avec des mémoires réactualisées tout le temps. Et maintenant qu'il est sorti, je leur ai dit bien sûr que leur mémoire, que leur histoire, elle est là dans ce livre. Ce livre, d'ailleurs, il est vendu dans les librairies d'Algérie, puisque mon éditeur est diffusé aussi en Algérie. Et ils ont tous été très heureux de ça. Et puis le point d'orgue qui a été mis à mon travail, je l'ai connu très récemment, parce que la phonothèque d'Aix, de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, où sont maintenant toutes les archives du monde arabe, m'a demandé de déposer ces cassettes, d'interviewer, de façon qu'elles soient protégées, numérisées et mises dorénavant à la mémoire des chercheurs. À cette occasion, j'ai interrogé de nouveau tous mes interviewés pour leur demander la permission de déposer leur interview. Presque tous m'ont répondu. Quelques-uns m'ont encore demandé de rester sous anonymat. Et petit à petit, certaines lettres m'arrivent, dont une encore la semaine dernière, de personnes qui me disent qu'elles seraient très fières maintenant d'être connues sous leur nom et non plus dans l'anonymat. Voilà ce que j'avais à dire sur la mémoire. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de l'histoire de ces Européens, je veux bien en parler avec vous. Ouais. Tu peux nous dire combien de, en pourcentage, combien de Français, le pied noir, si tu veux, sont restés en Algérie? En pourcentage par rapport à la population Moi je suis nulle en maths, alors je vais te dire. Il y avait 1 million d'Européens en 62, en juillet, avant l'indépendance algérienne, en début 62, ils étaient 500 000. Parce qu'il y avait eu une très grosse hémorragie au moment des exactions de l'OS. Ils sont partis en grand nombre. Et ensuite, ils sont partis petit à petit en 64, il en restait 120 000. Et puis certains sont partis et revenus. Quand je suis allée en 93, il en restait 30 000 recensés. Je veux dire recensés au consulat de France. Parce que c'est important de le savoir. Parce que quand je suis allée au consulat, demander... combien d'Européens étaient là, le consulat m'a répondu que les archives avaient été brûlées, notamment par l'OAS, que celles qui étaient restées avaient été rapatriées en France et qu'on ne savait pas très bien où elles étaient, qu'eux, ils avaient le chiffre de 30 000, mais c'était des Français. Or, des Européens, il y en avait qui n'avaient pas pris la nationalité française, donc ceux-là, ils n'étaient pas recensés au consulat de France, ce qui rajoute encore à ceux qui étaient. Il y avait des gens qui avaient pris des noms de guerre, donc ceux-là, ils avaient des noms arabes, donc à ce moment-là, ils n'étaient pas non plus recensés au consulat de France. Il y avait des femmes qui avaient épousé des Algériens aussi. Et puis alors, il y avait ces fameux disparus dont on a parlé, des gens qui avaient choisi à ce moment-là de disparaître de la scène pour se refaire une autre vie. Alors ça, c'est une histoire absolument étonnante de ces gens qui réapparaissent petit à petit, 30 ans après, enfin maintenant ça va faire bientôt 40, mais en 93, le consulat nous parlait de cas très spéciaux, de gens qui avaient disparu de la circulation et qui 30 ans après avaient besoin de leur papier français et qui se présentaient au consulat en disant « mais moi je suis français » et le consulat n'avait pas trace. Donc ça augmente le nombre des 30 000, si tu veux. Et sur ces 30 000, 616 ont pris, pieds noirs ont pris la nationalité française. Combien ? 616. Algérienne. La nationalité algérienne, pardon. Oui. Et dans ces 30 000, il y a aussi les coopérants, non ? C'est pas mal de gens. Non, moi je parle des pieds noirs qui sont nés et qui sont restés en Algérie. Alors les coopérants, bon, dans les coopérants, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui sont venus après, qui sont les pieds rouges, dont je parle un peu aussi, qui ont choisi d'aller en 62 pour travailler un peu dans cette Algérie indépendante. Et puis il y a ceux qui étaient donc des enseignants, par exemple, et qui ont vu leur statut changer avec les accords de coopération qui ont été mis en place en 62, qui ont vu leur statut changer. Donc ils sont devenus coopérants français en Algérie. Ceux-là, pour quelques-uns, ont pris la nationalité algérienne. D'autres n'ont pas souhaité, donc ils sont là, en tant que payés à moitié par le gouvernement français, à moitié par le gouvernement algérien. Quand je dis à moitié, je ne sais pas si c'est moitié-moitié. Je crois plus par le gouvernement français et moins par le gouvernement algérien. Pierre Rouge, c'est quoi ? Pierre Rouge, ce sont des gens qui ont, pour la plupart, travaillé avec le FLN en France, et qui en 62 ont eu envie d'aller travailler en Algérie indépendante, de participer à la construction de cette Algérie indépendante, et dont certains sont restés très longtemps. Et ils ont pris le nom de Pierre Rouge, pourquoi ? On leur a. Il y a deux origines. Mon pied rouge, c'est aussi ceux qui sont venus se faire du pognon comme coopérants. Hein. Et aussi ça, parce qu'ils étaient assez mal vus par les coopérants qui étaient déjà en place et qui sont restés. Il y a eu. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on les a. C'est Geneviève Nortel qui m'a expliqué ça, c'est une collègue. Elle est restée 27 ans en Algérie et quand ça a commencé à Alger, oui, c'est d'Alger. Prof de français et elle est une des dernières rapatriées, quoi. Elle est arrivée à Apte, extrêmement choquée. Et pour cause d'un truc, elle était parfaitement intégrée. Et puis comme il y a eu les violences, etc., elle a pris d'ailleurs des positions par rapport à la religion, hein, par rapport à l'islam, extrêmement dur. Elle ne comprend pas les femmes algériennes aujourd'hui qui ne rejettent pas la religion musulmane. Alors là, on tire, ça va très très loin, alors que c'était quelqu'un qui était bien intégré. Elle comprend un certain nombre de choses au niveau culturel, mais dit c'est pas possible de rester de défendre la religion musulmane en disant que ces intégristes ne savent pas lire le Coran. C'est le Coran exactement comme les Français peuvent. Excusez-moi, il y a deux choses là. Bon, moi je respecte tout à fait le point de vue de cette femme qui certainement a beaucoup souffert et qui a ce point de vue. Mais il y a deux choses là, et moi je me suis beaucoup penchée sur la question. Il y a la religion musulmane, c'est une chose. Il y a la religion musulmane récupérée par des gens qui en font un instrument de pouvoir. Ça, c'est autre chose. Voilà. Alors, il n'est pas question pour les musulmans de renier leur religion. Mais par contre, il est grave qu'une religion soit travaillée de l'intérieur par des gens qui la récupèrent et qui s'en servent pour avoir pour avoir le pouvoir. Jawida, c'est pas toi, je pense qu'il dira le contraire. J'espère, si tu veux, tu peux parler. Tout à fait, ce que tu viens de dire, ce sont deux problèmes différents. Les musulmans, les Algériens ont toujours été musulmans. Et les femmes qui luttent en Algérie, ce sont des femmes musulmanes, mais qui refusent d'instrumentaliser la religion. Donc ce sont des femmes qui sont sorties dans la rue pour dire non à ces intégristes. Ces intégristes touchaient essentiellement les femmes parce qu'ils voulaient leur enfermement à travers le voile, leur enfermement par rapport au travail. Et elles sont musulmanes, pratiquantes, mais nous sommes contre ces intégristes qui utilisent la religion pour prendre le pouvoir. Donc c'est deux aspects tout à fait. Oui, mais si tu veux, bon, moi je raisonne aussi en européen aussi là-dessus, et par rapport à Tassim Nasri, qui sont la position de Tassim Nasri. Lorsque une réunion à Tarascon sur Ariel, il y avait, comment ça s'appelle, la cinéaste. Je ne me rappelle plus son prénom, Bendy, qui se dit, tu vois, hein, je lui ai demandé ce qu'elle pensait de Tassim Nasri. Franchement, elle a eu une réaction de colère en disant, bon, cette femme-là, rien à voir avec cette femme. Or, je suis désolé, en France aussi, on a eu à lutter pour que la femme puisse se libérer. Il a fallu qu'elle prenne position contre la religion chrétienne. Ça a été le développement de l'athéisme. Et Taslima Nasrin, en tant que musulmane et avec une fatwa qui pèse sur elle, elle a pris clairement position contre l'islam. Et ce qui est grave, c'est qu'un certain nombre de femmes aujourd'hui qui veulent acquérir ou garder ou prolonger leur indépendance refusent l'exemple de Taslima Nasrin. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre en tant qu'Européens. Elles veulent, alors c'est ce qu'elles nous ont raconté là, ça raconte que on essaye une lecture du Coran qui est différente, etc. On essaye de valoriser cette lecture du Coran beaucoup plus favorable à la femme. Et il y a une situation, bon, en Algérie et ailleurs, avec un intégrisme, bon, pour X raisons, c'est autre chose. Bon, toi, tu parles aussi, bon, on est aussi pour beaucoup ici, libre-penseur, donc en tant qu'effectivement libre-penseur, on est a priori contre toute religion, etc. Mais bon, enfin, je crois même que deux choses différentes. Il a respecté ce que deux choses je veux dire, moi je suis libre penseuse, mais je respecte les gens qui ont une religion, c'est juste la leur. Enfin, je veux dire, voilà, s'ils n'ont même pas les feux de travail. Ceci dit, moi je. Et à l'heure actuelle, en Algérie, bon, je veux dire, c'est quand même deux choses différentes. Ceci et on n'a pas le droit de moi dire je qu'une femme devrait tout foutre en l'air pour se libérer. Quoi. On fait bien d'en parler de ça, parce que nous, occidentaux, français notamment, on n'est pas complètement blancs. Par rapport à ce problème de la religion en Algérie. Parce que quand les Algériens ont reçu le statut de sujet français et non pas de citoyen français, certains, une toute petite minorité, a eu la possibilité de devenir citoyen français à condition d'abandonner leur statut personnel musulman. C'est quand même une agression. Donc, il y a eu ça. Il y a eu le fait que les Européens se disaient eux-mêmes Algériens. Ils se nommaient Algériens. Alors, comment allions-nous nommer les Algériens arabes et berbères? On ne les nommait pas. On disait d'abord eux, ils, etc. Les indigènes, les autochtones, on ne savait pas trop comment dire. On ne disait pas les Arabes parce qu'il y avait aussi des Berbères. On ne pouvait pas dire les Algériens parce que si on disait les Algériens, ça signifiait qu'on leur reconnaissait un droit sur leur terre d'Algérie. Or, la colonisation, elle ne la reconnaissait pas. On a fini par les nommer musulmans. Mais musulmans, ça laisse des traces, ça. Alors voilà deux petits exemples qui font que nous, on est un peu responsable. Quand, à un moment donné, en 62, le président de la République algérienne devait avoir la religion musulmane pour avoir le droit d'être président de la République, et qu'il a déclaré à ce moment-là qu'il instaurait la République algérienne socialiste, démocratique, dans le droit fil des principes religieux musulmans, islamiques. Voilà, pas islamiste, islamique. Alors nous, on n'est pas indemne là, vis-à-vis de ça. C'est une confusion qui se perpétue. Elle se perpétue complètement, parce que c'est une violation. Voilà, c'est une violation d'identité, c'est une brutalité, moi je trouve ça inadmissible. Parce que voilà des Européens qui se disaient algériens, très bien, parce que tous ceux que j'ai rencontrés, voilà pourquoi j'ai mis européen entre guillemets dans le titre. Il me disait « Européen, comme vous dites, parce que nous sommes Algériens. » Oui, alors là, d'accord, complètement, parce qu'il se situe dans l'Algérie indépendante. Mais dans l'Algérie française, quand les gens européens se disaient Algériens, ça voulait dire Algériens contre les Arabes. Et contre, ils disaient musulmans, pour ne pas dire arabes. Oui, tu voulais. Ouais, moi, je voulais, si vous permettez, intervenir et faire un double parallèle et poser en même temps des questions. Pour situer, ce n'est pas de procès d'intention, je suis marxiste, j'ai appartenu très longtemps au Parti communiste, je n'y suis plus, je suis, à ce titre-là, je ne suis plus en quartier, ne veux pas, mais je suis un chercheur en histoire de Corse et je suis très proche des autonomistes. Je travaille plus pour l'histoire de la Corse, mais quand même, je suis de ça. Je fais juste une petite aparté là-dessus. Quand la France a acheté la Corse en 1768, elle a acheté à la République de Gênes, les Corses ont une très forte tradition chrétienne, et il y a eu la révolution dans les 20 années qui ont suivi en France. Vous savez ce qui s'est passé, et notamment en 1793, 1792-1793, à la Terreur, qui a fait qu'on a rejeté un pan justifié, d'ailleurs, justifié sur le continent France en particulier. On a rejeté l'Église et tout ce qui était ses représentants, avec les exactions que l'on a connues à l'époque. Et donc, du côté corse, cette révolution n'a pas été prise en compte, n'a pas été comprise, n'a pas été admise, et a même été rejetée dans la mesure où, en Corse, les prêtres étaient membres des familles. C'était le frère cadet, par exemple, qui était systématiquement prêtre et qui en même temps était berger, qui était très près du peuple, qui n'avait pas d'argent, qui professait des idées religieuses, mais sans accaparer les terres, les biens et autres. Ce qui fait qu'il y a eu un rejet, et c'est un des, je dirais, un des, peut-être petit, peut-être ténu, mais un des éléments d'incompréhension par rapport à la Révolution française et aux événements qui se passent en Corse depuis cette époque, y compris jusqu'à maintenant. Parce qu'on peut revenir aussi sur les pieds noirs, on appelle l'Orient d'Alain en 1975, et aller, si un jour il y a quelqu'un qui m'en parle, on en parlera très volontiers. Hein. Mais donc, je fais ce parallèle-là pour en revenir à vous poser une question, en fait. Moi, le débat est vachement intéressant, hein, mais on parle de l'intégrisme brutalement. Je vais revenir à la question. On parle de l'intégrisme brutalement, pardonnez-moi l'expression, un peu comme s'il était tombé du ciel. Et je voulais vous poser la question, je voulais dire, quand même, entre 1962, parce que c'est avant, hein, de toute façon, hein, mais entre 1962 et ces dernières années, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et notamment, quelle était, globalement, la philosophie, ou tout au moins l'idéologie de ces. Français qui avait fait ce choix-là par rapport au pouvoir français et par rapport au capitalisme français, et quels étaient un peu les rapports qu'ils pouvaient avoir avec la lutte de libération nationale, parce que c'est ce terme-là, je crois, qu'ils ont employé en Algérie, avant de venir au problème d'intégrisme maintenant. Et là, pour jouer un peu les questions de religion, parce qu'on ne peut pas, un peuple, on ne le détruit pas, ça c'est pour être clair, hein, un pouvoir central fédéral ne pourra jamais détruire un peuple. Les luttes de libération nationale dans tous les pays du monde l'ont prouvé. Et il ne faut pas nier à un peuple des philosophies, une idéologie et une croyance. Après, chacun, bien sûr, doit travailler dans son monde. Donc, voilà, globalement, ce que je pense à rentrer, mais cette question, quelle est leur attitude idéologique et philosophique par rapport au pouvoir central français et au capitalisme. En 62, Avant 62. Sur la période des 30 ans, à partir de 62, il n'y a pas de choix. Ce que vous décrivez, qui est vachement intéressant, mais c'est plus affectif. Mais là derrière, il y a quand même quelque chose. Oui. Non, c'est pas affectif en fait. Oui, ce que je dis de la mémoire, mais les exemples que j'ai cités de la mémoire, mais c'est évident que le problème que vous posez, en fait, il fait intervenir ceux qui ont choisi de rester en Algérie. Ils ne sont pas tous restés pour des raisons politiques, comme je disais tout à l'heure. Hein, certains ne pouvaient pas vendre leurs biens, certains aimaient le climat, certains n'avaient pas la possibilité de venir en France. D'abord la France, c'était l'Algérie, c'était la France, mais tous ceux à qui j'ai demandé « Est-ce que l'Algérie pour vous c'est la France ?» ils me disaient « Ah oui, oui, oui. » Puis quand je les poussais un peu, ils me disaient « Ben on le sait parce que c'est dans les livres d'histoire. » Ou même parce qu'on voit venir des Français, alors on voit bien comment ils vivent. Et puis, voilà. Donc, mais pour eux, la France, c'était quelque chose de lointain. C'était bon. En fait, c'était la mère patrie, mais ils savaient très bien se distinguer de ce que c'était. Donc, certains n'étaient jamais venus en France. D'ailleurs, pour la plupart, ils n'étaient pas venus en France. Donc, ils se disaient, mais qu'est-ce que je vais aller faire, moi, dans ce pays que je ne connais pas. Donc, certains étaient des vieilles personnes qui ne voyaient pas comment elles allaient se réintégrer ailleurs. Il y a toute cette frange de gens. Et puis, il y a ceux qui, très vite, ce qu'on appelait les libéraux, par exemple, ont compris très vite qu'il y avait des problèmes d'injustice flagrant, oui. Et que les Algériens commençaient à donc une révolution. Certains l'ont compris très vite que c'était une révolution. Dès 1954, certains m'ont dit que ça leur était un peu tombé sur la tête, mais d'autres avaient très bien compris quand ils étaient un peu politisés. Notamment, il y avait toute une frange de jeunesse chrétienne qui travaillait avec les scouts musulmans. Ils allaient en fac avec. Et ceux-là, ils ont eu tout de suite des copains qui étaient des nationalistes algériens qui ont pris le maquis. Donc, pour ces gens qui étaient très politisés, il y avait les gens du... Oui. Certains du Parti communiste. Alors, j'allais dire aussi, il y avait les gens du Parti communiste algérien qui d'ailleurs... étaient complètement déboussolés par les positions du Parti communiste français, qui lui disait bon, qu'il fallait plus de justice et tout, mais qui n'avançait pas, en tout cas pas au début, le mot indépendance. Donc ceux-là, ils étaient poussés, ils étaient dans la foule, ils avaient tous, donc ils étaient politisés, ils avaient des amis, ils comprenaient les enjeux. Et ceux-là disaient, mais qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on agit? Et même quand est-ce qu'on prend les armes avec les copains? Puis certains sont allés, et d'ailleurs, la plupart de ceux que j'ai interrogés d'ailleurs, qui étaient du PCA, ils ont été soit emprisonnés, torturés, expulsés. Et il y avait des anarchistes aussi, certains, pas mal, sont morts dans le maquis. Et ceux-là, donc, ils avaient très bien compris tout de suite quel était leur camp, en fait. C'était pas une guerre de peuple à peuple, c'était une guerre d'un peuple colonisé contre la France qui était colonisatrice. Cela était très politisé, ça allait très bien, se situait très bien. Et bien que l'on dise maintenant, pour la plupart de la majorité des pieds noirs, ce sont des traîtres, parce qu'ils sont allés se battre dans le maquis, et on m'a dit quelquefois, bah alors ils ont tué des soldats français. Mais ils ont tué des soldats français, mais quand on dit traître, et qu'on définit quelqu'un comme traître, on se définit soi-même aussi, en disant qu'on a en face de soi un traître. Ces gens-là, ils avaient compris quels étaient les enjeux de la lutte. Ils avaient bien... Et en plus, c'était dans un certain contexte de décolonisation que l'Algérie a commencé sa lutte aussi. Donc c'était inévitable qu'elle allait vers son indépendance. Et donc tous ces Européens-là qui se sont battus à ce moment-là, ils ont fait un choix politique et conscient. Ensuite, ils se sont battus dans l'Algérie indépendante avec toutes les déchirures et avec tous les problèmes et avec toutes les fractures qui sont arrivées en Algérie. Eh bien, ils ont été partie prenante. Et jusqu'à maintenant, quand je leur ai posé la question Est-ce que vous avez regretté votre choix de 62 parce que voilà ce que devient l'Algérie? Et comment vous vous situez-vous en tant qu'Européen qui avait choisi de rester dans l'Algérie indépendante? Ils m'ont dit, comme les Algériens, parce que nous sommes Algériens. Alors, si l'Algérie est maintenant en proie à l'intégrisme, évidemment, comme vous dites, c'est pas tombé du ciel. Parce que, bon, il y a eu au départ toute une euphorie, un temps où les Algériens ont cru qu'ils allaient instaurer l'autogestion. Il y a eu toute une grande, tout un espoir, mais qui a été vraiment très important et qui a ensuite été déçu, mais qui a été déçu non pas, c'est la conjoncture capitaliste effectivement, qui a fait qu'à un moment donné l'Algérie n'a plus pu vendre son pétrole, que le FMI l'a récupéré, qu'elle a été écrasée par le poids de la dette, et que, non mais Henri, à un moment donné, quand on en est là, non mais je prends des raccourcis, mais quand on en est là, je ne vais pas maintenant me mettre à faire une étude de ce qui s'est passé depuis 40 ans. Quand on en est là, on en arrive à la misère. Et quand on en arrive à la misère, on a des tas de jeunes qui sont là, qui sont perdus, qui sont sans travail et tout. C'est ceux-là qui sont récupérés par les intégristes, évidemment. Moi, je pense qu'il y aura une analyse, c'est-à-dire entre le fait, la justesse un petit peu des gens qui avaient combattu le colonialisme avec, dans toute sa diversité. Oui. Quand on en vient, comme tu le signales actuellement, quand on commence à faire un bilan un petit peu de la société algérienne actuellement, bon, y compris par rapport aux rapatriés, soit c'est-à-dire de l'extérieur, soit de l'intérieur, bon, le bilan est quand même est pas aussi positif que ça. C'est-à-dire, bon, tu disais qu'il y a différents critères qui ont fait que, on constate certaines lacunes, entre autres de l'Algérie actuelle, mais bon, je pense que le système qui se mettait en place à l'origine de ce qu'on a appelé la révolution de libération nationale, il y avait déjà des querelles de clans, il y avait automatiquement des guerriers qui se faisaient jour. C'est qu'on s'est débarrassé d'un colonialisme français pour le remplacer par une certaine forme de colonialisme algérien. En mettant en place une nouvelle caste, avec tout ce que cela sous-entend de pouvoir, qui a fait que il y a eu énormément de dérives, c'est-à-dire de luttes d'influence, qui ont fait que à travers cette émergence un petit peu de ce qu'on a appelé l'intégrisme. Mais moi je pense que c'est un petit peu, même si c'est une réalité l'intégrisme, je pense que ça cache d'autres pans peut-être un peu plus obscurs à l'intérieur même de l'État algérien, c'est-à-dire entre les prémices, c'est-à-dire ce qu'on avait prévu à l'origine, un petit peu, tu parlais d'autogestion, je suis un peu réservé, parce que l'autogestion a été sous-amie à toutes les sources, je suis très réservé sur le terme même d'autogestion, tout le monde a repris son compte, mais je pense qu'à l'origine, une nomenclature, je ne sais pas peur du mot, qui s'est mise en place dès les débuts de l'origine de ce qu'on appelait la révolution algérienne, qui s'est saisie un petit peu du prétexte de la colonisation pour recréer, c'est-à-dire, une nouvelle caste, une nouvelle nomenclature avec ses dérives, ses appâts de pouvoir, de clans, etc., qui arrivent à une situation qu'on constate actuellement. Alors on se sert peut-être de l'émergence un petit peu de l'intégrisme pour cacher, c'est-à-dire, toutes ces dérives, tout ce côté un petit peu néfaste sécrété par le pouvoir algérien. Tout à fait. Donc je pense que les gens qui sont un peu lucides, bon, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne veux pas généraliser, mais je pense qu'au point de vue du peuple algérien, je ne sais pas si les gens sont assez lucides pour comprendre un petit peu le mécanisme de ce pouvoir algérien mis dès les premières heures en place. Merci. Mais bon, alors, si la personne ne se donne pas la peine d'avoir une réflexion personnelle, on va automatiquement essayer de l'aiguiller sur comment gérer des voies en scissure en disant que le seul prétexte de toute la situation vient de l'émergence de l'intégrisme. Alors que c'est archi-faux, il y a d'autres problèmes en suspens que le gouvernement algérien se garde tout bien de mettre. Et moi j'attendais effectivement. Parce qu'il a parlé sur sa propre autocritique. Exactement. Alors ça, moi j'attendais effectivement qu'on en parle. Parce que, effectivement, dès le départ, et même avant le jour de l'indépendance, tous ces enjeux de pouvoir, ils étaient sous-jacents. Ce qui fait que, d'ailleurs, les Européens que j'ai interrogés me l'ont dit, très vite se sont mis très vite la fracture au sein du FLN, elle est apparue. Et à ce moment-là, il y a eu une guerre civile en Algérie, dès les premiers jours de l'indépendance. Et les gens qui dansaient dans la rue le jour de l'indépendance, quelques jours après, eh bien, ils disaient, sept ans de guerre, ça suffit, on ne va pas recommencer, ça c'est sûr. Hein. Et alors, cette histoire-là, ça fait partie aussi de celle que l'on cache, que l'on ne dit pas, parce qu'il y avait effectivement un peuple qui se battait pour son indépendance, il a eu raison de le faire, certaines personnes qui l'ont défendu disent qu'elles ont eu raison aussi de le faire et que c'était inévitable, mais toutes ces fractures-là, elles n'ont pas été assez analysées, elles le sont par certains quand même, mais elles commencent à être connues, mais elles ne sont pas assez dites, et ça fait partie aussi de ce fameux trou de l'histoire qui fait que tant que ce ne sera pas analysé par le gouvernement algérien, la jeune génération d'Algériens ne comprendra rien à son histoire. Le gouvernement algérien, il ne va pas se remettre en question lui-même, il ne va pas se faire amuser, il ne va pas faire certaines choses critiques. Moi, je pense que c'est le peuple lui-même qui a été malheureusement un peu inchangé, totalement dupé par une telle révolution. C'est-à-dire, bon, on lui a fait c'est-à-dire croire à des espérances en se battant contre le colonialisme français, en le faisant espérer beaucoup de choses, alors que des gens tiraient, c'est-à-dire les ficelles de tout ça. C'est-à-dire, c'est une petite minorité, c'est-à-dire, dans les buts, était peut-être tout autre que ce qu'on allait dire au peuple, qui allait tirer les ficelles un petit peu de cette révolution, de cette lutte contre le colonialisme. Mais malheureusement, le peuple lui-même n'a pas profité, je pense, de cette révolution. Je fais un peu attention à ce que tu dis, parce que, sans doute, le peuple n'a pas profité, du moins, pour le moment, le constat n'est pas positif. Il n'empêche qu'on ne peut pas, on ne peut pas dire que le peuple algérien n'avait pas raison de chercher à se libérer à ce moment-là. Il avait raison. Maintenant, il a raison, c'est aussi au peuple algérien de faire sa propre autocritique et de voir, y compris avec les Européens qui sont restés et qui se définissent comme Algériens, comment ils veulent mener leur pays. Mais on ne peut pas dire qu'ils avaient tort de se révolter à ce moment-là. Non, juste un dernier mot. Que je vous mette à dialogue, là, ça ne marche pas.